Livre sixième, Le Petit Gavroche. Chapitre 1, Méchante espièglerie du vent. Depuis 1823, tandis que la gargote de Montfermeil sombrait et s'engloutissait peu à peu, non dans l'abîme d'une banqueroute, mais dans le cloaque des petites dettes. Les Marié Thénardier avaient eu deux autres enfants, mâles tous deux. Cela faisait cinq, deux filles et trois garçons. C'était beaucoup. La Thénardier s'était débarrassée des deux derniers, encore en bas âge et tout petits, avec un bonheur singulier. Débarrassée est le mot. Il n'y avait chez cette femme qu'un fragment de nature. Phénomène dont il y a du reste plus d'un exemple. Comme la maréchale de Lamotte ou d'Ancourt, la Thénardier n'était mère que jusqu'à ses filles. Sa maternité finissait là. Sa haine du genre humain commençait à ses garçons. Du côté de ses fils, sa méchanceté était à pic, et son cœur avait à cet endroit un lugubre escarpement. Comme on l'a vu, elle détestait l'aîné, elle exécrait les deux autres. Pourquoi ? Parce que, le plus terrible des motifs et la plus indiscutable des réponses, parce que. Je n'ai pas besoin d'une tiolée d'enfants, disait cette mère. Expliquons comment les Thénardier étaient parvenus à s'exonérer de leurs deux derniers enfants et même à en tirer profit. Cette fille Magnon, dont il a été question quelques pages plus haut, était la même qui avait réussi à faire renter par le bonhomme Gillenormand les deux enfants qu'elle avait. Elle demeurait quai des Célestins, à l'angle de cette antique rue du Petit Musc qui a fait ce qu'elle a pu pour changer en bonne odeur sa mauvaise renommée. On se souvient de la grande épidémie de croupe qui désola, il y a 35 ans, les quartiers riverains de la Seine à Paris, et dont la science profita pour expérimenter, sur une large échelle, l'efficacité des insufflations d'alun, si utilement remplacées aujourd'hui par la teinture externe d'iode. Dans cette épidémie, la Magnon perdit, le même jour, l'un le matin, l'autre le soir, ses deux garçons, encore en très bas âge. Ce fut un coup. Ses enfants étaient précieux à leur mère. Ils représentaient 80 francs par mois. Ces 80 francs étaient fort exactement soldés, au nom de M. Gillenormand, par son receveur de rente, M. Barge, huissier retiré, rue du Roi de Sicile. Les enfants morts, la rente était enterrée. La Magnon chercha un expédient. Dans cette ténébreuse maçonnerie du mal dont elle faisait partie, on sait tout. On se garde le secret et l'on s'entraide. Il fallait deux enfants à la Magnon. La Thénardier en avait deux. Même sexe, même âge. Bon arrangement pour l'une, bon placement pour l'autre. Les petits Thénardier devinrent les petits Magnon. La Magnon quitta le quai des Célestins et alla demeurer rue Cloche-Perce. À Paris, l'identité qui lie un individu à lui-même se rompt d'une rue à l'autre. L'état civil, n'étant averti de rien, ne réclama pas. Et la substitution se fit le plus simplement du monde. Seulement le Thénardier exigea, pour ce prêt d'enfant, 10 francs par mois que la Magnon promit, et même paya. Il va sans dire que M. Gillenormand continua de s'exécuter. Il venait tous les 6 mois voir les petits. Il ne s'aperçut pas du changement. « Monsieur, lui disait la Magnon, comme il vous ressemble !» Thénardier, à qui les avatars étaient aisés, saisit cette occasion de devenir Jondrette. Ses deux filles et Gavroche avaient à peine eu le temps de s'apercevoir qu'ils avaient deux petits frères. À un certain degré de misère, on est gagné par une sorte d'indifférence spectrale, et l'on voit les êtres comme des larves. Vos plus proches ne sont souvent pour vous que de vagues formes de l'ombre, à peine distinctes du fond nébuleux de la vie et facilement remêlées à l'invisible. Le soir du jour où elle avait fait livraison de ses deux petits à la Magnon, avec la volonté bien expresse d'y renoncer à jamais, la Thénardier avait eu, ou fait semblant d'avoir, un scrupule. Elle avait dit à son mari « Mais c'est abandonner ses enfants, cela !» Thénardier, magistral et flegmatique, cautérisa le scrupule avec ce mot « Jean-Jacques Rousseau a fait mieux !» Du scrupule, la mère avait passé à l'inquiétude. « Mais si la police allait nous tourmenter, ce que nous avons fait là, monsieur Thénardier, dis donc, est-ce que c'est permis ?» Thénardier répondit « Tout est permis. Personne n'y verra que de l'azur. D'ailleurs, dans des enfants qui n'ont pas le sou, nul n'a intérêt à y regarder de près. » La Magnon était une sorte d'élégante du crime. Elle faisait de la toilette. Elle partageait son logis, meublé d'une façon maniérée et misérable, avec une savante voleuse anglaise francisée. Cette anglaise, naturalisée parisienne, recommandable par des relations fort riches, intimement liée avec les médailles de la bibliothèque et les diamants de Mademoiselle Mars, fut plus tard célèbre dans les sommiers judiciaires. On l'appelait « Mamselle Miss ». Les deux petits, échus à la Magnon, n'eurent pas à se plaindre. Recommandés par les 80 francs, ils étaient ménagés, comme tout ce qui est exploité. Point mal vêtus, point mal nourris, traités presque comme de petits monsieur, mieux avec la fausse mère qu'avec la vraie. La Magnon faisait la dame et ne parlait pas argot devant eux. Ils passèrent ainsi quelques années. Le Thénardier en augurait bien. Il lui arriva un jour de dire à la Magnon qui lui remettait ses 10 francs mensuels « Il faudra que le père leur donne de l'éducation. » Tout à coup, ces deux pauvres enfants, jusque-là assez protégés, même par leur mauvais sort, furent brusquement jetés dans la vie et forcés de la commencer. Une arrestation en masse de malfaiteurs comme celle du Galta Jondrette, nécessairement compliquée de perquisition et d'incarcérations ultérieures, est un véritable désastre pour cette hideuse contre-société occulte qui vit sous la société publique. Une aventure de ce genre entraîne toutes sortes d'écroulements dans ce monde sombre. La catastrophe des Thénardier produisit la catastrophe de la Magnon. Un jour, peu de temps après que la Magnon eut remis à Éponine le billet relatif à la rue Plumet, il se fit rue Cloche-Perce une subite descente de police. La Magnon fut saisie, ainsi que Mamselle Miss, et toute la maisonnée, qui était suspecte, passa dans le coup de filet. Les deux petits garçons jouaient pendant ce temps-là dans une arrière-cour et ne virent rien de la razzia. Quand ils voulurent rentrer, ils trouvèrent la porte fermée et la maison vide. Un savetier d'une échoppe en face les appela et leur remit un papier que leur mère avait laissé pour eux. Sur le papier, il y avait une adresse « Monsieur Barge, receveur de rente, rue du Roi de Sicile, numéro 8 ». L'homme de l'échoppe leur dit « Vous ne demeurez plus ici. Allez là, c'est tout près, la première rue à gauche. Demandez votre chemin avec ce papier-ci. » Les deux enfants partirent, l'aîné menant le cadet et tenant à la main le papier qui devait les guider. Il avait froid et ses petits doigts engourdis serraient peu et tenaient mal ce papier. Au détour de la rue Cloche-Perce, un coup de vent le lui arracha. Et comme la nuit tombait, l'enfant ne put le retrouver. Ils se mirent à errer au hasard dans les rues. Chapitre 2. Où le petit Gavroche tire parti de Napoléon le Grand. Le printemps à Paris est assez souvent traversée par des bises aigres et dures, dont on est, non pas précisément glacé, mais gelé. Ces bises, qui attristent les plus belles journées, font exactement l'effet de ces souffles d'air froid qui entrent dans une chambre chaude par les fentes d'une fenêtre ou d'une porte mal fermée. Il semble que la sombre porte de l'hiver soit restée entrebâillée et qu'il vienne du vent par là. Au printemps de 1832, époque où éclata la première grande épidémie de ce siècle en Europe, ces bises étaient plus âpres et plus poignantes que jamais. C'était une porte plus glaciale encore que celle de l'hiver qui était entr'ouverte. C'était la porte du sépulcre. On sentait dans ces bises le souffle du choléra. Au point de vue météorologique, ces vents froids avaient cela de particulier qu'ils n'excluaient point une forte tension électrique. De fréquents orages, accompagnés d'éclairs et de tonnerres, éclatèrent à cette époque. Un soir, que ces bises soufflaient rudement, au point que janvier semblait revenu et que les bourgeois avaient repris les manteaux, le petit Gavroche, toujours grelottant gaiement sous ses loques, se tenait debout et comme en extase devant la boutique d'un perruquier des environs de l'Orme Saint-Germain. Il était orné d'un châle de femme en laine, cueilli on ne sait où, dont il s'était fait un cache-nez. Le petit Gavroche avait l'air d'admirer profondément une mariée en cire, décolletée et coiffée de fleurs d'oranger, qui tournait derrière la vitre, montrant entre deux quinquets son sourire aux passants. Mais en réalité, il observait la boutique afin de voir s'il ne pourrait pas chiper dans la devanture un pain de savon qu'il irait ensuite revendre un sou à un coiffeur de la banlieue. Il lui arrivait souvent de déjeuner d'un de ces pains-là. Il appelait ce genre de travail, pour lequel il avait du talent, faire la barbe au barbier. Tout en contemplant la mariée et tout en lorgnant le pain de savon, il grommelait entre ses dents ceci. Mardi. Ce n'est pas mardi. Est-ce mardi? C'est peut-être mardi. Oui, c'est mardi. On n'a jamais su à quoi avait trait ce monologue. Si, par hasard, ce monologue se rapportait à la dernière fois où il avait dîné, il y avait 3 jours, car on était au vendredi. Le barbier, dans sa boutique chauffée d'un bon poêle, rasait une pratique et jetait de temps en temps un regard de côté à cet ennemi, à ce gamin gelé et effronté qui avait les deux mains dans ses poches, mais l'esprit évidemment hors du fourreau. Pendant que Gavroche examinait la mariée, le vitrage et les Windsor Soaps, 2 enfants de taille inégale, assez proprement vêtus et encore plus petits que lui, paraissant l'un 7 ans, l'autre 5, tournèrent timidement le bec de canne et entrèrent dans la boutique en demandant on ne sait quoi, la charité peut-être, dans un murmure plaintif et qui ressemblait plutôt à un gémissement qu'à une prière. Ils parlaient tous deux à la fois, et leurs paroles étaient inintelligibles parce que les sanglots coupaient la voix du plus jeune et que le froid faisait claquer les dents de l'aîné. Le barbier se tourna avec un visage furieux et, sans quitter son rasoir, refoulant l'aîné de la main gauche et le petit du genou, les poussa tous deux dans la rue et referma sa porte en disant « Venir refroidir le monde pour rien !» Les 2 enfants se remirent en marche, en pleurant. Cependant, une nuée était venue. Il commençait à pleuvoir. Le petit Gavroche courut après eux et les aborda. « Qu'est-ce que vous avez donc, moutard ?»« Nous ne savons pas où coucher, » répondit l'aîné. « C'est ça, » dit Gavroche. « Voilà grand-chose. Est-ce qu'on pleure pour ça ? Sont-ils sereins, donc ?» Et prenant, à travers sa supériorité un peu goguenarde, un accent d'autorité attendrie et de protection douce, « Momac, venez avec moi !»« Oui, monsieur, » fit l'aîné. Et les 2 enfants le suivirent, comme ils auraient suivi un archevêque. Ils avaient cessé de pleurer. Gavroche leur fit monter la rue Saint-Antoine dans la direction de la Bastille. Gavroche, tout en cheminant, jeta un coup d'œil indigné et rétrospectif à la boutique du barbier. « Ça n'a pas de cœur, ce merlan-là » grommela-t-il. « C'est un angliche !» Une fille, les voyant marcher à la file tous les trois, Gavroche en tête, partit d'un rire bruyant. Ce rire manquait de respect au groupe. « Bonjour, mamselle Omnibus !» lui dit Gavroche. Un instant après, le perruquier lui revenant, il ajouta « Je me trompe de bête, ce n'est pas un merlan, c'est un serpent. Perruquier, j'irai chercher un serrurier et je te ferai mettre une sonnette à la queue. » Ce perruquier l'avait rendu agressif. Il apostropha, en enjambant un ruisseau, une portière barbue et digne de rencontrer Faust sur le Brocken, laquelle avait son balai à la main. « Madame, lui dit-il, vous sortez donc avec votre cheval ?» Et sur ce, il éclaboussa les bottes vernies d'un passant. « Drôle !» cria le passant furieux. Gavroche leva le nez par-dessus son châle. « Monsieur se plaint ?»« De toi !» fit le passant. « Le bureau est fermé, dit Gavroche. Je ne reçois plus de plaintes. » Cependant, en continuant de monter la rue, il avisa, toute glacée sous une porte cochère, une mendiante de 13 ou 14 ans, si court vêtue qu'on voyait ses genoux. La petite commençait à être trop grande fille pour cela. La croissance vous joue de ses tours. La jupe devient courte au moment où la nudité devient indécente. « Pauvre fille, dit Gavroche, ça n'a même pas de culotte. Tiens, prends toujours ça. » Et, défaisant toute cette bonne laine qu'il avait autour du cou, il la jeta sur les épaules maigres et violettes de la mendiante, où le cache-nez redevint châle. La petite le considéra d'un air étonné et reçut le châle en silence. À un certain degré de détresse, le pauvre, dans sa stupeur, ne gémit plus du mal et ne remercie plus du bien. Cela fait, « Bon !» dit Gavroche, plus frissonnant que Saint-Martin, qui, lui du moins, avait gardé la moitié de son manteau. Sur ce « brrr », l'averse, redoublant d'humeur, fit rage. Ces mauvais ciels-là punissent les bonnes actions. « Ah, ça !» s'écria Gavroche. « Qu'est-ce que cela signifie? Il repleut ? Bon Dieu, si cela continue, je me désabonne !» Et il se remit en marche. « C'est égal, » reprit-il en jetant un coup d'œil à la mendiante qui se pelotonnait sous le châle. « En voilà une qui a une fameuse pelure. » Et, regardant la nuée, il cria « Attrapez !» Les deux enfants emboîtaient le pas derrière lui. Comme il passait devant un de ces épais treillis grillés qui indiquent la boutique d'un boulanger, car on met le pain comme l'or derrière des grillages de fer, Gavroche se tourna. « Ah ça, môme, avons-nous dîné ?»« Monsieur, répondit l'aîné, nous n'avons pas mangé depuis tantôt ce matin. »« Vous êtes donc sans père ni mère ?» reprit majestueusement Gavroche. « Faites excuse, monsieur, nous avons papa et maman, mais nous ne savons pas où ils sont. »« Des fois, cela vaut mieux que de le savoir, » dit Gavroche qui était un penseur. « Voilà, continua l'aîné, 2 heures que nous marchons. Nous avons cherché des choses au coin des bornes, mais nous ne trouvons rien. »« Je sais, » fit Gavroche, « c'est les chiens qui mangent tout. » Il reprit après un silence. « Ah, nous avons perdu nos auteurs. Nous ne savons plus ce que nous en avons fait. Ça ne se doit pas, gamin. C'est bête d'égarer comme ça des gens d'âge. Ah, ça, il faut licher pourtant. » Du reste, il ne leur fit pas de questions. Être sans domicile, quoi de plus simple? L'aîné des deux mômes, presque entièrement revenu à la prompte insouciance de l'enfance, fit cette exclamation. « C'est drôle tout de même. Maman qui avait dit qu'elle nous mènerait chercher du buis béni le dimanche des rameaux. »« Neur, » répondit Gavroche. « Maman, reprit l'aîné, est une dame qui demeure avec Mamselle Miss. »« T'en flûte, reprit Gavroche. » Cependant, il s'était arrêté, et depuis quelques minutes, il tâtait et fouillait toutes sortes de recoins qu'il avait dans ses haillons. Enfin, il releva la tête d'un air qui ne voulait qu'être satisfait, mais qui était en réalité triomphant. « Calmons-nous, les momignards, voici de quoi souper pour trois. » Et il tira d'une de ses poches un sou. Sans laisser aux deux petits le temps de s'ébahir, il les poussa tous deux devant lui dans la boutique du boulanger et mit son sou sur le comptoir en criant « Garçon, 5 centimes de pain !» Le boulanger, qui était le maître en personne, prit un pain et un couteau. « En 3 morceaux, garçon !» reprit Gavroche. Et il ajouta avec dignité « Nous sommes 3 !» Et voyant que le boulanger, après avoir examiné les 3 soupeurs, avait pris un pain bis, il plongea profondément son doigt dans son nez avec une aspiration aussi impérieuse que s'il eût eu au bout du pouce la prise de tabac du grand Frédéric, et jeta au boulanger en plein visage cette apostrophe indignée « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ceux de nos lecteurs qui seraient tentés de voir dans cette interpellation de Gavroche au boulanger un mot russe ou polonais, ou l'un de ces cris sauvages que les Yowes et les Botokudos se lancent du bord d'un fleuve à l'autre à travers les solitudes, sont prévenus que c'est un mot qu'ils disent tous les jours, eux, nos lecteurs, et qui tient lieu de cette phrase « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Le boulanger comprit parfaitement et répondit « Eh, mais c'est du pain, du très bon pain de 2e qualité !» « Vous voulez dire du larton brutal ?» reprit Gavroche, calme et froidement dédaigneux. « Du pain blanc, garçon, du larton savonné, je régale. » Le boulanger ne put s'empêcher de sourire, et tout en coupant le pain blanc, il les considérait d'une façon compatissante qui choqua Gavroche. « Qu'est-ce que vous avez donc à nous toiser comme ça ?» Mis tous 3 bout à bout, ils auraient fait à peine une toise. Quand le pain fut coupé, le boulanger encaissa le sou, et Gavroche dit aux 2 enfants « Morfilez !» Les petits garçons le regardèrent interdit. Gavroche se mit à rire. « Ah tiens, c'est vrai, ça ne sait pas encore, c'est si petit !» Et il reprit « Mangez !» En même temps, il leur tendait à chacun un morceau de pain. Et, pensant que l'aîné, qui lui paraissait plus digne de sa conversation, méritait quelque encouragement spécial et devait être débarrassé de toute hésitation à satisfaire son appétit, il ajouta en lui donnant la plus grosse part « Colle-toi ça dans le fusil !» Il y avait un morceau plus petit que les 2 autres. Il le prit pour lui. Les pauvres enfants étaient affamés, y compris Gavroche. Tout en arrachant leur pain à belles dents, ils encombraient la boutique du boulanger, qui, maintenant qu'il était payé, les regardait avec humeur. « Rentrons dans la rue, » dit Gavroche. Ils reprirent la direction de la Bastille. De temps en temps, quand ils passaient devant les devantures de boutiques éclairées, le plus petit s'arrêtait pour regarder l'heure à une montre en plomb suspendue à son cou par une ficelle. « Voilà décidément un fort serein !» disait Gavroche. Puis, pensif, il grommelait entre ses dents. « C'est égal, si j'avais des mômes, je les serrerais mieux que ça !» Comme ils achevaient leur morceau de pain et atteignaient l'angle de cette morose rue des Ballets, au fond de laquelle on aperçoit le guichet, bas et hostile de la force, « Tiens, c'est toi, Gavroche ?» dit quelqu'un. « Tiens !» « C'est toi, Montparnasse ?» dit Gavroche. C'était un homme qui venait d'aborder le gamin, et cet homme n'était autre que Montparnasse déguisé, avec des besicles bleus, mais reconnaissables pour Gavroche. « Matin !» poursuivit Gavroche. « Tu as une pelure couleur cataplasme de graines de lin et des lunettes bleues comme un médecin. Tu as du style, parole de vieux !»« Chut !» fit Montparnasse. « Pas si haut !» et il entraîna vivement Gavroche hors de la lumière des boutiques. Les deux petits suivaient machinalement en se tenant par la main. Quand ils furent sous l'archivolte noire d'une porte cochère, à l'abri des regards et de la pluie, « Sais-tu où je vas ?» demanda Montparnasse. « À l'abbaye de Montarégret, » dit Gavroche. « Farceur !» Et Montparnasse reprit. « Je vas retrouver Babet. »« Ah !» fit Gavroche. « Elle s'appelle Babet. » Montparnasse baissa la voix. « Pas elle, lui !»« Ah, Babet !»« Oui, Babet. »« Je le croyais bouclé. » « Il a défait la boucle, » répondit Montparnasse. Et il conta rapidement au gamin que le matin de ce même jour où ils étaient, Babet, ayant été transféré à la conciergerie, s'était évadé en prenant à gauche au lieu de prendre à droite dans le corridor de l'instruction. Gavroche admira l'habileté. « Quel dentiste !» dit-il. Montparnasse ajouta quelques détails sur l'évasion de Babet et termina par « Oh, ce n'est pas tout !» Gavroche, tout en écoutant, s'était saisi d'une canne que Montparnasse tenait à la main. Il en avait machinalement tiré la partie supérieure et la lame d'un poignard avait apparu. « Ah ! » fit-il en repoussant vivement le poignard. « Tu as emmené ton gendarme déguisé en bourgeois !» Montparnasse cligna de l'œil. « Fichtre !» reprit Gavroche. « Tu vas donc te colter avec les cognes ?»« On ne sait pas, » répondit Montparnasse d'un air indifférent. « Il est toujours bon d'avoir une épingle sur soi. » Gavroche insista. « Qu'est-ce que tu vas donc faire cette nuit ?» Montparnasse prit de nouveau la corde grave et dit en mangeant les syllabes « Des choses !» Et, changeant brusquement de conversation, « À propos. »« Quoi ?»« Une histoire de l'autre jour. Figure-toi, je rencontre un bourgeois. Il me fait cadeau d'un sermon et de sa bourse. Je mets ça dans ma poche. Une minute après, je fouille dans ma poche, il n'y avait plus rien. »« Que le sermon !» fit Gavroche. « Mais toi, » reprit Montparnasse, « où vas-tu donc maintenant ?» Gavroche montra ses deux protégés et dit « Je vais coucher ces enfants-là. »« Où ça, coucher ?»« Chez moi. »« Où ça, chez toi ?»« Chez moi. »« Tu loges donc ?»« Oui, je loge. »« Et où loges-tu ?»« Dans l'éléphant, » dit Gavroche. Montparnasse, quoique de sa nature peu étonnée, ne put retenir une exclamation. « Dans l'éléphant ?»« Eh bien, oui, dans l'éléphant !» repartit Gavroche. « Qu'est que ça ?» Ceci est encore un mot de la langue que personne n'écrit et que tout le monde parle. « Qu'est que ça a ?» signifie « Qu'est-ce que cela a ?» L'observation profonde du gamin ramena Montparnasse au calme et au bon sens. Ils parurent venir à de meilleurs sentiments pour le logis de Gavroche. « Au fait, » dit-il, « oui, l'éléphant, y est-on bien ?»« Très bien, » fit Gavroche. « Là, vrai chenument, il n'y a pas de vent coulis comme sous les ponts. »« Comment y entres-tu ?»« J'entre. »« Il y a donc un trou ?» demanda Montparnasse. « Parbleu, mais il ne faut pas le dire, c'est entre les jambes de devant, les coqueurs ne l'ont pas vu. » Et tu grimpes? Oui, je comprends. Un tour de main, cric, crac, c'est fait, plus personne. Après un silence, Gavroche ajouta. Pour ces petits, j'aurai une échelle. Montparnasse se mit à rire. Où diable as-tu pris ces mômes-là? Gavroche répondit avec simplicité. C'est des momichards dont un perruquier m'a fait cadeau. Cependant, Montparnasse était devenu pensif. « Tu m'as reconnu bien aisément, » murmura-t-il. Il prit dans sa poche deux petits objets qui n'était autre chose que deux tuyaux de plumes enveloppés de coton, et s'en introduisit un dans chaque narine. Ceci lui faisait un autre nez. « Ça te change, » dit Gavroche. « Tu es moins laid. Tu devrais garder toujours ça. » Montparnasse était joli garçon, mais Gavroche était railleur. « Sans rire, » demanda Montparnasse, « comment me trouves-tu ?» C'était aussi un autre son de voix. En un clin d'œil, Montparnasse était devenu méconnaissable. « Oh, fais-nous Porrichinelle !» s'écria Gavroche. Les deux petits, qui n'avaient rien écouté jusque-là, occupés qu'ils étaient eux-mêmes à fourrer leurs doigts dans leur nez, s'approchèrent à ce nom et regardèrent Montparnasse avec un commencement de joie et d'admiration. Malheureusement, Montparnasse était soucieux. Il posa la main sur l'épaule de Gavroche et lui dit en appuyant sur les mots « Écoute ce que je te dis, garçon. Si j'étais sur la place, avec mon dogue, Madag et Madig, et si vous me prodiguiez 10 gros sous, je ne refuserais pas d'y groupiner. Mais nous ne sommes pas le Mardi Gras. » Cette phrase bizarre produisit sur le gamin un effet singulier. Il se tourna vivement, promena avec une attention profonde ses petits yeux brillants autour de lui, et aperçut, à quelques pas, un sergent de ville qui leur tournait le dos. Gavroche laissa échapper un « Ah bon ?» qu'il réprima sur le champ, et, secouant la main de Montparnasse, « Eh bien, bonsoir, » fit-il, « je m'en vas à mon éléphant avec mes mômes. Une supposition que tu aurais besoin de moi une nuit, tu viendrais me trouver là. Je loge à l'entresol. Il n'y a pas de portier. Tu demanderais Monsieur Gavroche. » « C'est bon, » dit Montparnasse. Et ils se séparèrent. Montparnasse cheminant vers la grève et Gavroche vers la Bastille. Le petit de 5 ans, traîné par son frère, que traînait Gavroche, tourna plusieurs fois la tête en arrière pour voir s'en aller Porrichinelle. La phrase amphigourique par laquelle Montparnasse avait averti Gavroche de la présence du sergent de ville ne contenait pas d'autre talisman que l'assonance « dig » répétée 5 ou 6 fois sous des formes variées. Cette syllabe « dig », non prononcée isolément, mais artistement mêlée au mot d'une phrase, veut dire « prenons garde, on ne peut pas parler librement ». Il y avait en outre dans la phrase de Montparnasse une beauté littéraire qui échappa à Gavroche. C'est « mon dogue, Madag et Madig », locution de l'argot du temple qui signifie « mon chien, mon couteau et ma femme », fort usité parmi les pitres et les queues rouges du grand siècle où Molière écrivait et où Callot dessinait. Il y a 20 ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du canal creusée dans l'ancien fossé de la prison citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens et qui méritait d'y laisser quelques traces, car c'était une pensée du membre de l'Institut, général en chef de l'armée d'Égypte. Nous disons « monument », quoique ce ne fût qu'une maquette. Mais cette maquette elle-même, ébauche prodigieuse, cadavre grandiose d'une idée de Napoléon, que 2 ou 3 coups de vent successifs avaient emporté et jeté à chaque fois plus loin de nous, était devenue historique et avait pris je ne sais quoi de définitif qui contrastait avec son aspect provisoire. C'était un éléphant de 40 pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison, jadis peinte en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir par le ciel, la pluie et le temps. Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses 4 pieds pareils à des colonnes, faisait la nuit, sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait ce que cela voulait dire. C'était une sorte de symbole de la force populaire. C'était sombre, énigmatique et immense. C'était on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout à côté du spectre invisible de la Bastille. Peu d'étrangers visitaient cet édifice. Aucun passant ne le regardait. Il tombait en ruine. À chaque saison, des plâtras qui se détachaient de ses flancs lui faisaient des plaies hideuses. Les édiles, comme on dit en patois élégant, l'avaient oublié depuis 1814. Il était là, dans son coin, morne, malade, croulant, entouré d'une palissade pourrie, souillée à chaque instant par des cochers ivres. Des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue, les hautes herbes lui poussaient entre les jambes. Et comme le niveau de la place s'élevait depuis 30 ans tout autour, par ce mouvement lent et continu qui exauce insensiblement le sol des grandes villes, il était dans un creux et il semblait que la terre s'enfonçât sous lui. Il était immonde, méprisé, repoussant et superbe. Laid aux yeux du bourgeois, mélancolique aux yeux du penseur. Il avait quelque chose d'une ordure qu'on va balayer et quelque chose d'une majesté qu'on va décapiter. Comme nous l'avons dit, la nuit, l'aspect changeait. La nuit est le véritable milieu de tout ce qui est ombre. Dès que tombait le crépuscule, le vieil éléphant se transfigurait. Il prenait une figure tranquille et redoutable dans la formidable sérénité des ténèbres. Étant du passé, il était de la nuit, et cette obscurité allait à sa grandeur. Ce monument, rude, trapu, pesant, âpre, austère, presque difforme, mais à coup sûr majestueux et empreint d'une sorte de gravité magnifique et sauvage, a disparu pour laisser régner ramper l'espèce de poêle gigantesque orné de son tuyau qui a remplacé la sombre forteresse à 9 tours, à peu près comme la bourgeoisie remplace la féodalité. Il est tout simple qu'un poêle soit le symbole d'une époque dont une marmite contient la puissance. Cette époque passera. Elle passe déjà. On commence à comprendre que s'il peut y avoir de la force dans une chaudière, il ne peut y avoir de puissance que dans un cerveau. En d'autres termes, que ce qui mène et entraîne le monde, ce ne sont pas les locomotives, ce sont les idées. Atteler les locomotives aux idées, c'est bien. Mais ne prenez pas le cheval pour le cavalier. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la place de la Bastille, l'architecte de l'éléphant avec du plâtre était parvenu à faire du grand. L'architecte du tuyau de poêle a réussi à faire du petit avec du bronze. Ce tuyau de poêle, qu'on a baptisé d'un nom sonore et nommé la colonne de Juillet, ce monument manqué d'une révolution avortée, était encore enveloppé en 1832 d'une immense chemise en charpente que nous regrettons pour notre part et d'un vaste enclos en planches qui achevait d'isoler l'éléphant. Ce fut vers ce coin de la place, à peine éclairé du reflet d'un réverbère éloigné, que le gamin dirigea les deux mômes. Qu'on nous permette de nous interrompre ici et de rappeler que nous sommes dans la simple réalité, et qu'il y a 20 ans, les tribunaux correctionnels eurent à juger, sous prévention de vagabondage et de bris d'un monument public, un enfant qui avait été surpris couché dans l'intérieur même de l'éléphant de la Bastille. Ce fait constaté, nous continuons. En arrivant près du colosse, Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit, et dit « Moutard, n'ayez pas peur !» Puis il entra par une lacune de la palissade dans l'enceinte de l'éléphant et aida les mômes à enjamber la brèche. Les deux enfants, un peu effrayés, suivaient sans dire mot Gavroche et se confiaient à cette petite providence en guenilles qui leur avait donné du pain et leur avait promis un gîte. Il y avait là, couché le long de la palissade, une échelle qui servait le jour aux ouvriers du chantier voisin. Gavroche la souleva avec une singulière vigueur et l'appliqua contre une des jambes de devant de l'éléphant. Vers le point où l'échelle allait aboutir, on distinguait une espèce de trou noir dans le ventre du colosse. Gavroche montra l'échelle et le trou à ses hôtes et leur dit « Montez et entrez !» Les deux petits garçons se regardèrent terrifiés. « Vous avez peur, môme ! » s'écria Gavroche, et il ajouta « Vous allez voir !» Il étreignit le pied rugueux de l'éléphant, et en un clin d'œil, sans daigner se servir de l'échelle, il arriva à la crevasse. Il y entra comme une couleuvre qui se glisse dans une fente, il s'y enfonça, et un moment après, les deux enfants virent vaguement apparaître, comme une forme blanchâtre et blafarde, sa tête pâle au bord du trou plein de ténèbres. « Eh bien » cria-t-il, « montez donc, les momignards, vous allez voir comme on est bien. « Monte-toi » dit-il à l'aîné, « je te tends la main. » Les petits se poussèrent de l'épaule, le gamin leur faisait peur et les rassurait à la fois. Et puis il pleuvait bien fort. L'aîné se risqua. Le plus jeune, en voyant monter son frère et lui rester tout seul entre les pattes de cette grosse bête, avait bien envie de pleurer, mais il n'osait. L'aîné gravissait, tout en chancelant, les barreaux de l'échelle. Gavroche, chemin faisant, l'encourageait par des exclamations de maître d'armes à ses écoliers ou de muletier à ses mules. « Aie pas peur !»« C'est ça !»« Va toujours !»« Mets ton pied là !» Ta main ici, hardi. » Et quand il fut à sa portée, il l'empoigna brusquement et vigoureusement par le bras et le tira à lui. « Gobé !» dit-il. Le môme avait franchi la crevasse. « Maintenant, » fit Gavroche, « attends-moi. Monsieur, prenez la peine de vous asseoir. » Et, sortant de la crevasse comme il y était entré, il se laissa glisser avec l'agilité d'un ouistiti le long de la jambe de l'éléphant. Il tomba debout sur ses pieds dans l'herbe, saisit le petit de 5 ans à bras-le-corps et le planta au beau milieu de l'échelle. Puis il se mit à monter derrière lui en criant à l'aîné « Je vas le pousser, tu vas le tirer !» En un instant, le petit fut monté, poussé, traîné, tiré, bourré, fourré dans le trou sans avoir eu le temps de se reconnaître. Et Gavroche, entrant après lui, repoussant d'un coup de talon l'échelle qui tomba sur le gazon, se mit à battre des mains et cria « Nous y v'là ! Vive le général Lafayette !» Cette explosion passée, il ajouta « Les mioches, vous êtes chez moi !» Gavroche était en effet chez lui. Ô utilité inattendue de l'inutile, charité des grandes choses, bonté des géants, ce monument démesuré qui avait contenu une pensée de l'empereur était devenu la boîte d'un gamin. Le môme avait été accepté et abrité par le colosse. Les bourgeois endimanchés qui passaient devant l'éléphant de la Bastille disaient volontiers en le toisant d'un air de mépris avec leurs yeux à fleur de tête « À quoi cela sert-il ?» Cela servait à sauver du froid, du givre, de la grêle, de la pluie, à garantir du vent d'hiver, à préserver du sommeil dans la boue qui donne la fièvre et du sommeil dans la neige qui donne la mort. Un petit être, sans père ni mère, sans pain, sans vêtements, sans asile. Cela servait à recueillir l'innocent que la société repoussait. Cela servait à diminuer la faute publique. C'était une tanière ouverte à celui auquel toutes les portes étaient fermées. Il semblait que le vieux mastodonte misérable, envahi par la vermine et par l'oubli, couvert de verrues, de moisissures et d'ulcères, chancelant, vermoulu, abandonné, condamné, espèce de mendiant colossal demandant en vain l'aumône d'un regard bienveillant au milieu du carrefour, avait eu pitié, lui, de cet autre mendiant, du pauvre pygmée qui s'en allait sans souliers aux pieds, sans plafond sur la tête, soufflant dans ses doigts, vêtu de chiffon, nourri de ce qu'on jette. Voilà à quoi servait l'éléphant de la Bastille. Cette idée de Napoléon, dédaignée par les hommes, avait été reprise par Dieu. Ce qui n'eût été qu'illustre était devenu auguste. Il eût fallu à l'empereur, pour réaliser ce qu'il méditait, le porphyre, l'airain, le fer, l'or, le marbre. À Dieu, le vieil assemblage de planches, de solives et de plâtras suffisait. L'empereur avait eu un rêve de génie. Dans cet éléphant titanique, armé, prodigieux, dressant sa trompe, portant sa tour, et faisant jaillir de toutes parts autour de lui des eaux joyeuses et vivifiantes, il voulait incarner le peuple. Dieu en avait fait une chose plus grande. Il y logeait un enfant. Le trou par où Gavroche était entré était une brèche à peine visible du dehors, cachée qu'elle était, nous l'avons dit, sous le ventre de l'éléphant, et si étroite qu'il n'y avait guère que des chats et des mômes qui pussent y passer. « Commençons, dit Gavroche, par dire au portier que nous n'y sommes pas. » Et plongeant dans l'obscurité avec certitude, comme quelqu'un qui connaît son appartement, il prit une planche et emboucha le trou. Gavroche replongea dans l'obscurité. Les enfants entendirent le reniflement de l'allumette enfoncée dans la bouteille phosphorique. L'allumette chimique n'existait pas encore. Le briquet fumade représentait à cette époque le progrès. Une clarté subite leur fit cligner les yeux. Gavroche venait d'allumer un de ces bouts de ficelle trempés dans la résine qu'on appelle rat de cave. Le rat de cave, qui fumait plus qu'il n'éclairait, rendait confusément visible le dedans de l'éléphant. Les deux hôtes de Gavroche regardèrent autour d'eux et éprouvèrent quelque chose de pareil à ce qu'éprouverait quelqu'un qui serait enfermé dans la grosse tonne de Heidelberg, ou mieux encore, à ce que dut éprouver Jonas dans le ventre biblique de la baleine. Tout un squelette gigantesque leur apparaissait et les enveloppait. En haut, une longue poutre brune, d'où partaient de distance en distance de massives membrures cintrées, figuraient la colonne vertébrale avec les côtes. Des stalactites de plâtre y pendaient comme des viscères, et d'un côté à l'autre de vastes toiles d'araignée faisaient des diaphragmes poudreux. On voyait ça et là, dans les coins, de grosses taches noirâtres qui avaient l'air de vivre et qui se déplaçaient rapidement avec un mouvement brusque et effaré. Les débris tombés du dos de l'éléphant sur son ventre en avaient comblé la concavité, de sorte qu'on pouvait y marcher, comme sur un plancher. Le plus petit se rencogna contre son frère et dit à demi-voix « C'est noir !» Ce mot fit exclamer Gavroche. L'air pétrifié des deux mômes rendait une secousse nécessaire. « Qu'est-ce que vous me fichez ? » s'écria-t-il. « Blaguons-nous ? Faisons-nous les dégoûter ? Vous faut-il pas les Tuileries ? Seriez-vous des brutes ? Dites-le. Je vous préviens que je ne suis pas du régiment des Gaudiches. Ah ça ! Est-ce que vous êtes les moutards du moutardier du pape ?» Un peu de roudoiement est bon dans l'épouvante. Cela rassure. Les deux enfants se rapprochèrent de Gavroche. Gavroche, paternellement attendri de cette confiance, passa du grave au doux et s'adressant au plus petit. « Bêta !» lui dit-il en accentuant l'injure d'une nuance caressante. « C'est dehors que c'est noir. Dehors il pleut. Ici il ne pleut pas. Dehors il fait froid. Ici il n'y a pas une miette de vent. Dehors il y a des tas de monde. Ici il n'y a personne. Dehors, il n'y a pas même la lune. Ici, il y a ma chandelle, non dunksh. » Les deux enfants commençaient à regarder l'appartement avec moins d'effroi. mais Gavroche ne leur laissa pas plus longtemps le loisir de la contemplation. « Vite !» dit-il. Et il les poussa vers ce que nous sommes très heureux de pouvoir appeler le fond de la chambre. Là était son lit. Le lit de Gavroche était complet, c'est-à-dire qu'il y avait un matelas, une couverture et une alcôve avec rideau. Le matelas était une natte de paille, la couverture un assez vaste pagne de grosse laine grise, fort chaud et presque neuf. Voici ce que c'était que l'alcôve. 3 échalas assez longs, enfoncés et consolidés dans les gravois du sol, c'est-à-dire du ventre de l'éléphant, 2 en avant, 1 en arrière, et réunis par une corde à leur sommet, de manière à former un faisceau pyramidal. Ce faisceau supportait un treillage de fil de laiton qui était simplement posé dessus, mais artistement appliqué et maintenu par des attaches de fil de fer, de sorte qu'il enveloppait entièrement les 3 échalas. Un cordon de grosses pierres fixait tout autour ce treillage sur le sol, de manière à ne rien laisser passer. Ce treillage n'était autre chose qu'un morceau de ces grillages de cuivre dont on revêt les volières dans les ménageries. Le lit de Gavroche était sous ce grillage comme dans une cage. L'ensemble ressemblait à une tente d'esquimaux. C'est ce grillage qui tenait lieu de rideau. Gavroche dérangea un peu les pierres qui assujettissaient le grillage par devant. Les 2 pans du treillage qui retombaient l'un sur l'autre s'écartèrent. « Môme à 4 pattes !» dit Gavroche. Il fit entrer avec précaution ses hôtes dans la cage. Puis il y entra après eux en rampant, rapprocha les pierres et referma hermétiquement l'ouverture. Ils s'étaient étendus tous 3 sur la natte. Si petits qu'ils fussent, aucun d'eux ne put se tenir debout dans l'alcôve. Gavroche avait toujours le rat de cave à sa main. « Maintenant, dit-il, pioncez, je vais supprimer le candélabre. »« Monsieur, demanda l'aîné des 2 frères à Gavroche en montrant le grillage, qu'est-ce que c'est donc que ça ?»« Ça, dit Gavroche gravement, c'est pour les rats. Pioncez !» Cependant, il se crut obligé d'ajouter quelques paroles pour l'instruction de ces êtres en bas âge, et il continua. « C'est des choses du jardin des plantes. Ça sert aux animaux féroces. Gniena, il y en a plein un magasin. Nia, il n'y a qu'à monter par-dessus un mur, qu'à grimper par une fenêtre et qu'à passer sous une porte. On en a tant qu'on veut. » Tout en parlant, il enveloppait d'un pan de la couverture le tout petit qui murmura « Oh, c'est bon, c'est chaud !» Gavroche fixa un œil satisfait sur la couverture. « C'est encore du jardin des plantes, dit-il. J'ai pris ça au singe. » Et montrant à l'aîné la natte sur laquelle il était couché, natte fort épaisse et admirablement travaillée, il ajouta « Ça, c'était à la girafe !» Après une pause, il poursuivit. Les bêtes avaient tout ça. Je le leur ai pris. Ça ne les a pas fâchés. Je leur ai dit, c'est pour l'éléphant. Il fit encore un silence et reprit. On passe par-dessus les murs et on se fiche du gouvernement. V'là. Les 2 enfants considéraient avec un respect craintif et stupéfait cet être intrépide et inventif. Vagabonds comme eux, isolés comme eux, chétifs comme eux, qui avaient quelque chose de misérable et de tout-puissant, qui leur semblait surnaturel, et dont la physionomie se composait de toutes les grimaces d'un vieux saltimbanque, mêlées au plus naïf et au plus charmant sourire. « Monsieur, fit timidement l'aîné, vous n'avez donc pas peur des sergents de ville ?» Gavroche se borna à répondre. « Môme, on ne dit pas les sergents de ville, on dit les cognes. » Le tout petit avait les yeux ouverts, mais il ne disait rien. Comme il était au bord de la natte, l'aîné étant au milieu, Gavroche lui borda la couverture comme eût fait une mère et exhaussa la natte sous sa tête avec de vieux chiffons de manière à faire au môme un oreiller. Puis il se tourna vers l'aîné. « Hein ? On est joliment bien ici !»« Ah oui !» répondit l'aîné en regardant Gavroche avec une expression d'ange sauvé. Les deux pauvres petits-enfants tout mouillés commençaient à se réchauffer. Oh, « Ça !» continua Gavroche. « Pourquoi donc est-ce que vous pleuriez ?» Et montrant le petit à son frère, « Un mioche comme ça, je ne dis pas, mais un grand comme toi, pleurer, c'est crétin, on a l'air d'un veau. » « Dame, fit l'enfant, nous n'avions plus du tout de logement où aller. » « Moutard, reprit Gavroche, on ne dit pas un logement, on dit une piole. » « Et puis, nous avions peur d'être tout seuls comme ça la nuit. » « On ne dit pas la nuit, on dit la sorgue. » « Merci, monsieur, dit l'enfant. « Écoute, repartit Gavroche, il ne faut plus geindre jamais pour rien. J'aurai soin de vous. Tu verras comment on s'amuse. L'été, nous irons à la glacière avec Navet, un camarade à moi. Nous nous baignerons à la gare, nous courrons tout nus sur les trains devant le pont d'Austerlitz. Ça fait rager les blanchisseuses. Elles crient, elles bisquent, si tu savais comme elles sont farces. Nous irons voir l'homme squelette. Il est en vie aux Champs-Élysées. Il est maigre comme tout ce paroissien-là. Et puis je vous conduirai au spectacle. Je vous mènerai à Frédéric Lemaître. J'ai des billets, je connais des acteurs. J'ai même joué une fois dans une pièce. Nous étions des mômes comme ça, on courait sous une toile, ça faisait la mer. Je vous ferai engager à mon théâtre. Nous irons voir les sauvages. Ce n'est pas vrai, ces sauvages-là. Ils ont des maillots roses qui font des plis et on leur voit au coude des reprises en fil blanc. Après ça, nous irons à l'opéra. Nous entrerons avec les claqueurs. La claque à l'opéra est très bien composée. Je n'irai pas avec la claque sur les boulevards. À l'opéra, figure-toi, il y en a qui paient 20 sous. Mais c'est des bêtas, on les appelle des lavettes. Et puis, nous irons voir Guillotiné. Je vous ferai voir le bourreau. Il demeure rue des Marais. Monsieur Samson. Il y a une boîte aux lettres à la porte. Ah, on s'amuse fameusement. En ce moment, une goutte de cire tomba sur le doigt de Gavroche et le rappela aux réalités de la vie. « Bigre ! » dit-il, « voilà la mèche qui s'use. Attention, je ne peux pas mettre plus d'un sou par mois à mon éclairage. Quand on se couche, il faut dormir. Nous n'avons pas le temps de lire des romans de M. Paul de Kock. Avec ça, que la lumière pourrait passer par les fentes de la porte cochère, et les cognes n'auraient qu'à voir. » Et puis, observa timidement l'aîné, qui seul osait causer avec Gavroche et lui donner la réplique, « Un fumeron pourrait tomber dans la paille. Il faut prendre garde de brûler la maison. » « On ne dit pas brûler la maison, fit Gavroche. On dit rifauder le bocard. » L'orage redoublait. On entendait, à travers des roulements de tonnerre, l'averse battre le dos du colosse. « Enfoncez la pluie !» dit Gavroche. « Ça m'amuse d'entendre couler la carafe le long des jambes de la maison. L'hiver est une bête. Il perd sa marchandise. Il perd sa peine. Il ne peut pas nous mouiller. Et ça le fait bougonner, ce vieux porteur d'eau-là. » Cette allusion au tonnerre, dont Gavroche, en sa qualité de philosophe du XIXe siècle, acceptait toutes les conséquences, fut suivi d'un large éclair, si éblouissant que quelque chose en entrant, par la crevasse, dans le ventre de l'éléphant. Presque en même temps, la foudre gronda, et très furieusement. Les deux petits poussèrent un cri, et se soulevèrent si vivement que le treillage en fut presque écarté. Mais Gavroche tourna vers eux sa face hardie et profita du coup de tonnerre pour éclater de rire. « Ah, du calme, enfant! Ne bousculons pas l'édifice! Voilà du beau tonnerre à la bonne heure! Ce n'est pas là de la gnognotte d'éclair! Bravo, le bon Dieu! Non, dunche, c'est presque aussi bien qu'à l'ambigu! » Cela dit, il refit l'ordre dans le treillage, poussa doucement les deux enfants sur le chevet du lit, pressa leurs genoux pour les bien étendre tout de leur long et s'écria. « Puisque le bon Dieu allume sa chandelle, je peux souffler la mienne. Les enfants, il faut dormir, mes jeunes humains. C'est très mauvais de ne pas dormir. Ça vous fait schlinguer du couloir ou, comme on dit dans le grand monde, puer de la gueule. Entortillez-vous bien de la pelure, je vais éteindre. Y êtes-vous ?»« Oui, murmura l'aîné, je suis bien. J'ai comme de la plume sous la tête. » « On ne dit pas la tête !» cria Gavroche. « On dit la tronche !» Les deux enfants se serrèrent l'un contre l'autre. Gavroche acheva de les arranger sur la natte et leur monta la couverture jusqu'aux oreilles, puis répéta pour la troisième fois l'injonction en langue erratique « Pioncez !» Et il souffla le lumignon. À peine la lumière était-elle éteinte qu'un tremblement singulier commença à ébranler le treillage sous lequel les trois enfants étaient couchés. C'était une multitude de frottements sourds qui rendaient un son métallique, comme si des griffes et des dents grinçaient sur le fil de cuivre. Cela était accompagné de toutes sortes de petits cris aigus. Le petit garçon de 5 ans, entendant ce vacarme au-dessus de sa tête et glacé d'épouvante, poussa du coude son frère aîné. Mais le frère aîné pionçait déjà, comme Gavroche le lui avait ordonné. Alors le petit, n'en pouvant plus de peur, osa interpeller Gavroche, mais tout bas, en retenant son haleine. « Monsieur !»« Hein ?» fit Gavroche qui venait de fermer les paupières. « Qu'est-ce que c'est donc que ça ?»« C'est les rats !» répondit Gavroche. Et il remit sa tête sur la natte. Les rats, en effet, qui pullulaient par milliers dans la carcasse de l'éléphant et qui étaient ces taches noires vivantes dont nous avons parlé, avaient été tenus en respect par la flamme de la bougie tant qu'elle avait brillé. Mais dès que cette caverne, qui était comme leur cité, avait été rendue à la nuit, sentant là ce que le bon conteur Perrault appelle de la chair fraîche, ils s'étaient rués en foule sur la tente de Gavroche, avaient grimpé jusqu'au sommet et en mordaient les mailles comme s'ils cherchaient à percer cette zinzelière d'un nouveau genre. Cependant, le petit ne s'endormait pas. « Monsieur, reprit-il. « Hein ? Fit Gavroche. « Qu'est-ce que c'est donc que les rats ? C'est des souris !» Cette explication rassura un peu l'enfant. Il avait vu dans sa vie des souris blanches et il n'en avait pas eu peur. Pourtant, il éleva encore la voix. « Monsieur !»« Hein ?» reprit Gavroche. « Pourquoi n'avez-vous pas un chat ?»« J'en ai eu un, » répondit Gavroche. « J'en ai apporté un, mais ils me l'ont mangé. » Cette seconde explication défit l'œuvre de la première et le petit recommença à trembler. Le dialogue entre lui et Gavroche reprit pour la quatrième fois. « Monsieur ! Hein ? Qui ça qui a été mangé ? Le chat ! Qui ça qui a mangé le chat ? Les rats ! Les souris ? Oui, les rats ! L'enfant, consterné de ces souris qui mangent les chats, poursuivit. « Monsieur, est-ce qu'elles nous mangeraient, ces souris-là ?»« Pardi !» fit Gavroche. La terreur de l'enfant était au comble, mais Gavroche ajouta. « N'aie pas peur, ils ne peuvent pas entrer. Et puis je suis là. Tiens, prends ma main. Tais-toi et pionce. » Gavroche en même temps prit la main du petit par-dessus son frère. L'enfant serra cette main contre lui et se sentit rassuré. Le courage et la force ont de ces communications mystérieuses. Le silence s'était refait autour d'eux. Le bruit des voix avait effrayé et éloigné les rats. Au bout de quelques minutes, ils eurent beau revenir et faire rage, les trois mômes, plongés dans le sommeil, n'entendaient plus rien. Les heures de la nuit s'écoulèrent. L'ombre couvrait l'immense place de la Bastille. Un vent d'hiver qui se mêlait à la pluie soufflait par bouffées. Les patrouilles furetaient les portes, les allées, les enclos, les coins obscurs, et, cherchant les vagabonds nocturnes, passaient silencieusement devant l'éléphant. Le monstre, debout, immobile, les yeux ouverts dans les ténèbres, avait l'air de rêver comme satisfait de sa bonne action, et abritait du ciel et des hommes les trois pauvres enfants endormis. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut se souvenir qu'à cette époque, le corps de garde de la Bastille était situé à l'autre extrémité de la place, et que ce qui se passait près de l'éléphant ne pouvait être ni aperçu ni entendu par la sentinelle. Vers la fin de cette heure qui précède immédiatement le point du jour, un homme déboucha de la rue Saint-Antoine en courant, traversa la place, tourna le grand enclos de la colonne de Juillet et se glissa entre les palissades, jusque sous le ventre de l'éléphant. Si une lumière quelconque eût éclairé cet homme, à la manière profonde dont il était mouillé, on eût deviné qu'il avait passé la nuit sous la pluie. Arrivé sous l'éléphant, il fit entendre un cri bizarre qui n'appartient à aucune langue humaine et qu'une perruche seule pourrait reproduire. Il répéta deux fois ce cri dont l'orthographe que voici donne à peine quelque idée. Kirikikiou ! Au second cri, une voix claire, gaie et jeune répondit du ventre de l'éléphant. « Oui !» Presque immédiatement, la planche qui fermait le trou se dérangea et donna passage à un enfant qui descendit le long du pied de l'éléphant et vint lestement tomber près de l'homme. C'était Gavroche. L'homme était Montparnasse. Quant à ce cri, « Kirikikikiou !» C'était là sans doute ce que l'enfant voulait dire par « Tu demanderas à Monsieur Gavroche. » En l'entendant, il s'était réveillé en sursaut, avait rampé hors de son alcôve en écartant un peu le grillage qu'il avait ensuite refermé soigneusement. Puis il avait ouvert la trappe et était descendu. L'homme et l'enfant se reconnurent silencieusement dans la nuit. Montparnasse se borna à dire « Nous avons besoin de toi. Viens nous donner un coup de main. » Le gamin ne demanda pas d'autre éclaircissement. « Me v'là, » dit-il. Et tous deux se dirigèrent vers la rue Saint-Antoine, d'où sortait Montparnasse, serpentant rapidement à travers la longue file des charrettes de maraîchers qui descendent à cette heure-là vers la halle. Les maraîchers, accroupis dans leur voiture, parmi les salades et les légumes, à demi assoupis, enfouis jusqu'aux yeux dans leur roulière à cause de la pluie battante, ne regardaient même pas ces étranges passants. Chapitre 3. Les péripéties de l'évasion. Voici ce qui avait eu lieu cette même nuit à la force. Une évasion avait été concertée entre Babet, Brujon, Gueulemer et Thénardier, quoique Thénardier fût au secret. Babet avait fait l'affaire pour son compte, le jour même, comme on a vu d'après le récit de Montparnasse à Gavroche. Montparnasse devait les aider du dehors. Brujon, ayant passé un mois dans une chambre de punition, avait eu le temps, premièrement, d'y tresser une corde, deuxièmement, d'y mûrir un plan. Autrefois, ces lieux sévères où la discipline de la prison livre le condamné à lui-même se composaient de quatre murs de pierre, d'un plafond de pierre, d'un pavé de dalles, d'un lit de camp, d'une lucarne grillée, d'une porte doublée de fer, et s'appelait cachot. Mais le cachot a été jugée trop horrible. Maintenant, cela se compose d'une porte de fer, d'une lucarne grillée, d'un lit de camp, d'un pavé de dalle, d'un plafond de pierre, de quatre murs de pierre, et cela s'appelle « chambre de punition ». Il y fait un peu jour vers midi. L'inconvénient de ces chambres, qui, comme on voit, ne sont pas des cachots, c'est de laisser songer des êtres qu'il faudrait faire travailler. Brujon, donc, avait songé, et il était sorti de la chambre de punition avec une corde. Comme on le réputait fort dangereux dans la cour Charlemagne, on le mit dans le bâtiment neuf. La première chose qu'il trouva dans le bâtiment neuf, ce fut Gueulemer. La seconde, ce fut un clou. Gueulemer, c'est-à-dire le crime, un clou, c'est-à-dire la liberté. Brujon, dont il est temps de se faire une idée complète, était, avec une apparence de complexion délicate et une langueur profondément préméditée, un gaillard poli, intelligent et voleur, qui avait le regard caressant et le sourire atroce. Son regard résultait de sa volonté et son sourire résultait de sa nature. Ses premières études dans son art s'étaient dirigées vers les toits. Il avait fait faire de grands progrès à l'industrie des arracheurs de plomb qui dépouillent les toitures et dépiautent les gouttières par le procédé dit au gras double. Ce qui achevait de rendre l'instant favorable pour une tentative d'évasion, c'est que les couvreurs remaniaient et rejointoyaient, en ce moment-là même, une partie des ardoises de la prison. La cour Saint-Bernard n'était plus absolument isolée de la cour Charlemagne et de la cour Saint-Louis. Il y avait par là-haut des échafaudages et des échelles. En d'autres termes, des ponts et des escaliers du côté de la délivrance. Le bâtiment neuf, qui était tout ce qu'on pouvait voir au monde de plus lézardé et de plus décrépit, était le point faible de la prison. Les murs en étaient à ce point rongés par le salpêtre qu'on avait été obligé de revêtir d'un parement de bois les voûtes des dortoirs, parce qu'ils s'en détachaient des pierres qui tombaient sur les prisonniers dans leur lit. Malgré cette vétusté, on faisait la faute d'enfermer dans le bâtiment neuf les accusés les plus inquiétants, d'y mettre les fortes causes, comme on dit en langage de prison. Le bâtiment neuf contenait quatre dortoirs superposés et un comble qu'on appelait le bel air. Un large tuyau de cheminée, probablement de quelque ancienne cuisine des ducs de la force, partait du rez-de-chaussée, traversait les quatre étages, coupait en deux tous les dortoirs où il figurait une façon de pilier aplati et allait trouer le toit. Gueulemer et Brujon étaient dans le même dortoir. On les avait mis par précaution dans l'étage d'en bas. Le hasard faisait que la tête de leur lit s'appuyait au tuyau de la cheminée. Thénardier se trouvait précisément au-dessus de leur tête, dans ce comble qualifié le bel air. Le passant, qui s'arrête rue Culture-Sainte-Catherine, après la caserne des pompiers, devant la porte cochère de la maison des bains, voit une cour pleine de fleurs et d'arbustes en caisse, au fond de laquelle se développe, avec deux ailes, une petite rotonde blanche égayée par des contrevents verts, le rêve bucolique de Jean-Jacques. Il n'y a pas plus de 10 ans, au-dessus de cette rotonde, s'élevait un mur noir, énorme, affreux, nu, auquel elle était adossée. C'était le mur du chemin de ronde de la force. Ce mur derrière cette rotonde, c'était Milton entrevu derrière Berquin. Si haut qu'il fût, ce mur était dépassé par un toit plus noir encore qu'on apercevait au-delà. C'était le toit du bâtiment neuf. On y remarquait 4 lucarnes mansardes armées de barreaux. C'étaient les fenêtres du bel air. Une cheminée perçait ce toit. C'était la cheminée qui traversait les dortoirs. Le bel air, ce comble du bâtiment neuf, était une espèce de grande halle mansardée, fermée de triples grilles et de portes doublées de tôles que constellaient des clous démesurés. Quand on y entrait par l'extrémité nord, on avait à sa gauche les quatre lucarnes et à sa droite, faisant face aux lucarnes, quatre cages carrées assez vastes, espacées, séparées par des couloirs étroits, construites jusqu'à hauteur d'appui en maçonnerie et le reste jusqu'au toit en barreaux de fer. Thénardier était au secret dans une de ces cages depuis la nuit du 3 février. On n'a jamais pu découvrir comment et par quelle connivence il avait réussi à s'y procurer et à y cacher une bouteille de ce vin inventé, dit-on, par des rues, auquel se mêle un narcotique et que la bande des endormeurs a rendu célèbre. Il y a, dans beaucoup de prisons, des employés traîtres, mi-partis geôliers et voleurs, qui aident aux évasions, qui vendent à la police une domesticité infidèle et qui font danser l'anse du panier à salade. Dans cette même nuit donc, où le petit Gavroche avait recueilli les deux enfants errants, Brujon et Gueulemer, qui savaient que Babet, évadé le matin même, les attendaient dans la rue ainsi que Montparnasse, se levèrent doucement et se mirent à percer avec le clou que Brujon avait trouvé le tuyau de cheminée auquel leur lit touchait. Les gravois tombaient sur le lit de Brujon de sorte qu'on ne les entendait pas. Les giboulées mêlées de tonnerre ébranlaient les portes sur leurs gonds et faisaient dans la prison un vacarme affreux et utile. Ceux des prisonniers qui se réveillèrent firent semblant de se rendormir et laissèrent faire Gueulemer et Brujon. Brujon était adroit. Gueulemer était vigoureux. Avant qu'aucun bruit fût parvenu au surveillant couché dans la cellule grillée qui avait jour sur le dortoir, le mur était percé, la cheminée escaladée, le treillis de fer qui fermait l'orifice supérieur du tuyau forcé, et les deux redoutables bandits sur le toit. La pluie et le vent redoublaient, le toit glissait. « Quelle bonne sorgue pour une crampe !» dit Brujon. Un abîme de 6 pieds de large et de 80 pieds de profondeur les séparait du mur de ronde. Au fond de cet abîme, ils voyaient reluire dans l'obscurité le fusil d'un factionnaire. Ils attachèrent par un bout, au tronçon, des barreaux de la cheminée qu'ils venaient de tordre, la corde que Brujon avait filée dans son cachot, lancèrent l'autre bout par-dessus le mur de ronde, franchirent d'un bond l'abîme, se cramponnèrent au chevron du mur, l'enjambèrent, se laissèrent glisser l'un après l'autre le long de la corde sur un petit toit qui touche à la maison des bains, ramenèrent leur corde à eux, sautèrent dans la cour des bains, la traversèrent, poussèrent le vasistas du portier, auprès duquel pendait son cordon, tirèrent le cordon, ouvrirent la porte cochère et se trouvèrent dans la rue. Il n'y avait pas 3 quarts d'heure qu'ils s'étaient levés debout sur leur lit dans les ténèbres, leurs clous à la main, leurs projets dans la tête. Quelques instants après, ils avaient rejoint Babet et Montparnasse qui rôdaient dans les environs. En tirant leur corde à eux, ils l'avaient cassée, et il en était resté un morceau attaché à la cheminée sur le toit. Ils n'avaient du reste d'autre avarie que de s'être à peu près entièrement enlevé la peau des mains. Cette nuit-là, Thénardier était prévenu, sans qu'on ait pu éclaircir de quelle façon, et ne dormait pas. Vers 1 heure du matin, la nuit étant très noire, il vit passer sur le toit, dans la pluie et dans la bourrasque, devant la lucarne qui était vis-à-vis de sa cage, 2 ombres. L'une s'arrêta à la lucarne le temps d'un regard. C'était Brujon. Thénardier le reconnut et comprit. Cela lui suffit. Thénardier, signalé comme escarpe et détenu sous prévention de guet-apens nocturnes à main armée, était gardé à vue. un factionnaire, qu'on relevait de 2 heures en 2 heures, se promenait le fusil chargé devant sa cage. Le bel air était éclairé par une applique. Le prisonnier avait au pied une paire de fer du poids de 50 livres. Tous les jours, à 4 heures de l'après-midi, un gardien escorté de 2 dogues, cela se faisait encore ainsi à cette époque, entrait dans sa cage, déposait près de son lit un pain noir de 2 livres, une cruche d'eau et une écuelle pleine d'un bouillon assez maigre où nageaient quelques gourganes, visitait ses fers et frappait sur les barreaux. Cet homme avec ses dogues revenait 2 fois dans la nuit. Thénardier avait obtenu la permission de conserver une espèce de cheville en fer dont il se servait pour clouer son pain dans une fente de la muraille, afin, disait-il, de le préserver des rats. Comme on gardait Thénardier à vue, on n'avait point trouvé d'inconvénient à cette cheville. Cependant, on se souvint plus tard qu'un gardien avait dit « Il vaudrait mieux ne lui laisser qu'une cheville en bois ». À 2 heures du matin, on vint changer le factionnaire, qui était un vieux soldat, et on le remplaça par un conscrit. Quelques instants après, l'homme au chien fit sa visite et s'en alla sans avoir rien remarqué, si ce n'est la trop grande jeunesse et l'air paysan du tourlourou. 2 heures après, à 4 heures, quand on vint relever le conscrit, on le trouva endormi et tombé à terre comme un bloc près de la cage de Thénardier. Quant à Thénardier, il n'y était plus. Ses fers brisés étaient sur le carreau. Il y avait un trou au plafond de sa cage et, au-dessus, un autre trou dans le toit. Une planche de son lit avait été arrachée et sans doute emportée, car on ne la retrouva point. On saisit aussi dans la cellule une bouteille à moitié vidée qui contenait le reste du vin stupéfiant avec lequel le soldat avait été endormi. La baïonnette du soldat avait disparu. Au moment où ceci fut découvert, on crut Thénardier hors de toute atteinte. La réalité est qu'il n'était plus dans le bâtiment neuf, mais qu'il était encore fort en danger. Son évasion n'était point consommée. Thénardier, en arrivant sur le toit du bâtiment neuf, avait trouvé le reste de la corde de brujon qui pendait au barreau de la trappe supérieure de la cheminée. Mais ce bout cassé étant beaucoup trop court, il n'avait pu s'évader par-dessus le chemin de ronde, comme avaient fait Brujon et Gueulemer. Quand on détourne de la rue des Ballets dans la rue du Roi de Sicile, on rencontre presque tout de suite à droite un enfoncement sordide. Il y avait là, au siècle dernier, une maison dont il ne reste plus que le mur de fond, véritable mur de masure qui s'élève à la hauteur d'un 3e étage entre les bâtiments voisins. Cette ruine est reconnaissable à 2 grandes fenêtres carrées qu'on y voit encore. Celle du milieu, la plus proche du pignon de droite, est barrée d'une solive vermoulue ajustée en chevron d'étai. À travers ces fenêtres, on distinguait autrefois une haute muraille lugubre qui était un morceau de l'enceinte du chemin de ronde de la Force. Le vide que la maison démolie a laissé sur la rue est à moitié rempli par une palissade en planches pourries contrebutée de 5 bornes de pierre. Dans cette clôture se cache une petite baraque appuyée à la ruine restée debout. La palissade a une porte qui, il y a quelques années, n'était fermée que d'un loquet. C'est sur la crête de cette ruine que Thénardier était parvenu un peu après 3 heures du matin. Comment était-il arrivé là? C'est ce qu'on n'a jamais pu expliquer ni comprendre. Les éclairs avaient dû tout ensemble le gêner et l'aider. S'était-il servi des échelles et des échafaudages des couvreurs pour gagner de toit en toit, de clôture en clôture, de compartiment en compartiment, les bâtiments de la cour Charlemagne, puis les bâtiments de la cour Saint-Louis, le mur de ronde, et de là, la masure sur la rue du roi de Sicile. Mais il y avait dans ce trajet des solutions de continuité qui semblaient le rendre impossible. Avait-il posé la planche de son lit comme un pont, du toit du Bel Air au mur du chemin de ronde? Et s'était-il mis à ramper à plat ventre sur le chevron du mur de ronde, tout autour de la prison jusqu'à la masure? Mais le mur du chemin de ronde de la force dessinait une ligne crénelée et inégale. Il montait et descendait, il s'abaissait à la caserne des pompiers, il se relevait à la maison des bains, il était coupé par des constructions. Il n'avait pas la même hauteur sur l'hôtel Lamoignon que sur la rue pavée. Il avait partout des chutes et des angles droits. Et puis, les sentinelles auraient dû voir la sombre silhouette du fugitif. De cette façon encore, le chemin fait par Thénardier reste à peu près inexplicable. Des deux manières, fuite impossible. Thénardier, illuminé par cette effrayante soif de la liberté qui change les précipices en fossés, les grilles de fer en clés d'osier, un cul-de-jatte en athlète, un podagre en oiseau, la stupidité en instinct, l'instinct en intelligence et l'intelligence en génie. Thénardier avait-il inventé et improvisé une troisième manière? On ne l'a jamais su. On ne peut pas toujours se rendre compte des merveilles de l'évasion. L'homme qui s'échappe, répétons-le, est un inspiré. Il y a de l'étoile et de l'éclair dans la mystérieuse lueur de la fuite. L'effort vers la délivrance n'est pas moins surprenant que le coup d'aile vers le sublime. Et l'on dit d'un voleur évadé, « Comment a-t-il fait pour escalader ce toit ?» De même qu'on dit de Corneille, « Où a-t-il trouvé qu'il mourut ?» Quoi qu'il en soit, ruisselant de sueur, trempé par la pluie, les vêtements en lambeaux, les mains écorchées, les coudes en sang, les genoux déchirés, Thénardier était arrivé sur ce que les enfants, dans leur langue figurée, appellent le coupant du mur de la ruine. Il s'y était couché tout de son long. Et là, la force lui avait manqué. Un escarpement à pic de la hauteur d'un troisième étage le séparait du pavé de la rue. La corde qu'il avait était trop courte. Il attendait là, pâle, épuisé, désespéré de tout l'espoir qu'il avait eu, encore couvert par la nuit, mais se disant que le jour allait venir, épouvanté de l'idée d'entendre, avant quelques instants, sonner à l'horloge voisine de Saint-Paul 4 heures, heure où l'on viendrait relever la sentinelle et où on la trouverait endormie sous le toit percé, regardant avec stupeur, à une profondeur terrible, à la lueur des réverbères, le pavé mouillé et noir, ce pavé désiré et effroyable qui était la mort et qui était la liberté. Il se demandait si ses trois complices d'évasion avaient réussi, s'ils l'avaient attendu et s'ils viendraient à son aide. Il écoutait. Excepté une patrouille, personne n'avait passé dans la rue depuis qu'il était là. Presque toute la descente des maraîchers de Montreuil, de Charonne, de Vincennes et de Bercy à la Halle se fait par la rue Saint-Antoine. 4 heures sonnèrent. Thénardier tressaillit. Peu d'instants après, cette rumeur effarée et confuse, qui suit une évasion découverte, éclata dans la prison. Le bruit des portes qu'on ouvre et qu'on ferme, le grincement des grilles sur leurs gonds, le tumulte du corps de garde, les appels rauques des guichetiers, le choc des crosses de fusil sur le pavé des cours, arrivaient jusqu'à lui. Des lumières montaient et descendaient aux fenêtres grillées des dortoirs. Une torche courait sur le comble du bâtiment neuf. Les pompiers de la caserne d'à côté avaient été appelés. Leur casque, que la torche éclairait dans la pluie, allait et venait le long des toits. En même temps, Thénardier voyait du côté de la Bastille une nuance blafarde blanchir lugubrement le bas du ciel. Lui était sur le haut d'un mur de 10 pouces de large, étendu sous l'averse, avec 2 gouffres à droite et à gauche, ne pouvant bouger, en proie au vertige d'une chute possible et à l'horreur d'une arrestation certaine. Et sa pensée, comme le battant d'une cloche, allait de l'une de ses idées à l'autre. « Mort si je tombe, pris si je reste. » Dans cette angoisse, il vit tout à coup, la rue étant encore tout à fait obscure, un homme qui se glissait le long des murailles et qui venait du côté de la rue pavée s'arrêter dans le renfoncement au-dessus duquel Thénardier était comme suspendu. Cet homme fut rejoint par un second qui marchait avec la même précaution, puis par un troisième, puis par un quatrième. Quand ces hommes furent réunis, l'un d'eux souleva le loquet de la porte de la palissade et ils entrèrent tous quatre dans l'enceinte où est la baraque. Ils se trouvaient précisément au-dessous de Thénardier. Ces hommes avaient évidemment choisi ce renfoncement pour pouvoir causer sans être vus des passants, ni de la sentinelle qui garde le guichet de la force à quelques pas de là. Il faut dire aussi que la pluie tenait cette sentinelle bloquée dans sa guérite. Thénardier, ne pouvant distinguer leur visage, prêta l'oreille à leurs paroles avec l'attention désespérée d'un misérable qui se sent perdu. Thénardier vit passer devant ses yeux quelque chose qui ressemblait à l'espérance. Ces hommes parlaient argot. Le premier disait, bas mais distinctement, « Des carons, qu'est-ce que nous maguillons ici, go ?» Le second répondit, « Il lansquine à éteindre le rive du Rabouin. Et puis les coqueurs vont passer, il y a là un grivier qui porte gaffe. Nous allons nous faire emballer ici, caille. » Ces deux mots, Isigo et Isikai, qui tous deux veulent dire « ici » et qui appartiennent le premier à l'argot des barrières, le second à l'argot du temple, furent des traits de lumière pour Thénardier. À Isigo, il reconnut Brujon, qui était rôdeur de barrières, et à Isikai, Babé, qui parmi tous ses métiers avait été revendeur au temple. L'antique argot du grand siècle ne se parle plus qu'au temple, et Babé était le seul même qui le parla bien purement. Sans Isikai, Thénardier ne l'aurait point reconnu, car il avait tout à fait dénaturé sa voix. Cependant, le troisième était intervenu. « Rien ne presse encore, attendons un peu. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas besoin de nous ?» À ceci, qui n'était que du français, Thénardier reconnut Montparnasse, lequel mettait son élégance à entendre tous les argots et à n'en parler aucun. Quant au quatrième, il se taisait, mais ses vastes épaules le dénonçaient. Thénardier n'hésita pas. C'était Gueulemer. Brujon répliqua presque impétueusement, mais toujours à voix basse. « Qu'est-ce que tu nous bonis là? Le tapissier n'aura pas pu tirer sa crampe. Il ne sait pas le truc, quoi. Bouliner sa limace et faucher ses empaffes pour maquiller une tortouse, caler des boulins aux lourdes, braser des faffes, maquiller des caroubles, faucher les durs, balancer sa tortouse dehors, se planquer, se camoufler, il faut être mariole. Le vieux n'aura pas pu, il ne sait pas goupiner. » Babé ajouta, toujours dans ce sage argot classique que parlaient Poulailler et Cartouche, et qui est à l'argot hardi, nouveau, coloré et risqué dont usait Brujon, ce que la langue de Racine est à la langue d'André Chénier. Ton orgue tapissier aura été fait marron dans l'escalier. Il faut être arcasien, c'est un galifard. Il se sera laissé jouer l'arnache par un roussin, peut-être même par un roussi, qui lui aura battu comptoir. Prête loche, Montparnasse, entends-tu ces criblements dans le collège? Tu as vu toutes ces camoufles? Il est tombé, va. Il en sera quitte pour tirer ses 20 longes. Je n'ai pas taf, je ne suis pas un taffeur. C'est colombé. Mais il n'y a plus qu'à faire les lézards, ou autrement on nous la fera gambiller. Ne renaude pas, viens avec nous, nous yergue. Allons piqueter une rouillarde en cible. On ne laisse pas les amis dans l'embarras, grommela Montparnasse. Je te bonis qu'il est malade, reprit Brujon. À l'heure qui toque, le tapissier ne vaut pas une broque. Nous n'y pouvons rien. Des carons. Je crois à tout moment qu'un cogne me cintre en pogne. Montparnasse ne résistait plus que faiblement. Le fait est que ces quatre hommes, avec cette fidélité qu'ont les bandits de ne jamais s'abandonner entre eux, avaient rôdé toute la nuit autour de la force, quel que fût le péril, dans l'espérance de voir surgir au haut de quelques murailles Thénardier. Mais la nuit qui demeurait vraiment trop belle, c'était une averse à rendre toutes les rues désertes, le froid qui les gagnait, leurs vêtements trempés, leurs chaussures percées, le bruit inquiétant qui venait d'éclater dans la prison, les heures écoulées, les patrouilles rencontrées, l'espoir qui s'en allait, la peur qui revenait, tout cela les poussait à la retraite. Montparnasse lui-même, qui était peut-être un peu le gendre de Thénardier, cédait. Un moment de plus, ils étaient partis. Thénardier haletait sur son mur comme les naufragés de la Méduse sur leur radeau, en voyant le navire apparu s'évanouir à l'horizon. Il n'osait les appeler. Un cri entendu pouvait tout perdre. Il eut une idée, une dernière, une lueur. Il prit dans sa poche le bout de la corde de Brujon qu'il avait détaché de la cheminée du bâtiment neuf et le jeta dans l'enceinte de la palissade. Cette corde tomba à leurs pieds. « Une veuve, » dit Babet. « Ma tortouse, » dit Brujon. « L'aubergiste est là, » dit Montparnasse. Ils levèrent les yeux. Thénardier avança un peu la tête. « Vite, » dit Montparnasse, « as-tu l'autre bout de la corde, Brujon ?»« Oui, nous les deux bouts ensemble, nous lui jetterons la corde, il la fixera au mur, il en aura assez pour descendre. » Thénardier se risqua à élever la voix. « Je suis transi. On te réchauffera. Je ne puis plus bouger. Tu te laisseras glisser, nous te recevrons. J'ai les mains gourdes. Nous seulement la corde au mur. Je ne pourrai pas. Il faut que l'un de nous monte, dit Montparnasse. Trois étages, fit Brujon. Un ancien conduit en plâtre, lequel avait servi à un poêle qu'on allumait jadis dans la baraque, rampait le long du mur et montait presque jusqu'à l'endroit où l'on apercevait Thénardier. Ce tuyau, alors fort lézardé et tout crevassé, est tombé depuis, mais on en voit encore les traces. Il était fort étroit. « On pourrait monter par là, » fit Montparnasse. « Par ce tuyau ? » s'écria Babet. « Un orgue ? Jamais ! Il faudrait un mion !»« Il faudrait un môme !» reprit Brujon. « Où trouver un moucheron ?» dit Gueulemer. « Attendez, » dit Montparnasse, « j'ai l'affaire. » Il entrouvit doucement la porte de la palissade, s'assura qu'aucun passant ne traversait la rue, sortit avec précaution, referma la porte derrière lui et partit en courant dans la direction de la Bastille. 7 ou 8 minutes s'écoulèrent, 8000 siècles pour Thénardier. Babet, Brujon et Gueulemer ne desserraient pas les dents. La porte se rouvrit enfin, et Montparnasse parut, essoufflé, et amenant Gavroche. La pluie continuait de faire la rue complètement déserte. Le petit Gavroche entra dans l'enceinte et regarda ces figures de bandits d'un air tranquille. L'eau lui dégoulinait des cheveux. Gueulemer lui adressa la parole. « Mioche, es-tu un homme ?» Gavroche haussa les épaules et répondit « « Un môme comme Mézig est un orgue, et des orgues comme Voussaï sont des mômes. »« Comme le mion joue du crachoir !» s'écria Babet. « Le môme pantinois n'est pas maquillé de fertile langue ajouta Brujon. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?» dit Gavroche. Montparnasse répondit « Grimpez par ce tuyau. »« Avec cette veuve, » fit Babet. « Et ligotez la tortouse, » continua Brujon. « Au montée du montant, » reprit Babet. « Au pieu de la lanterne, » ajouta Brujon. « Et puis ?» dit Gavroche. « Voilà, » dit Gueulemer. Le gamin examina la corde, le tuyau, le mur, les fenêtres, et fit cet inexprimable et dédaigneux bruit des lèvres qui signifie « Que ça ?»« Il y a un homme là-haut que tu sauveras, » reprit Montparnasse. « Veux-tu ?» reprit Brujon. « Serein, » répondit l'enfant comme si la question lui paraissait inouïe, et il ôta ses souliers. Gueulemer saisit Gavroche d'un bras, le posa sur le toit de la baraque, dont les planches vermoulues pliaient sous le poids de l'enfant, et lui remit la corde que Brujon avait renouée pendant l'absence de Montparnasse. Le gamin se dirigea vers le tuyau, où il était facile d'entrer, grâce à une large crevasse qui touchait au toit. Au moment où il allait monter, Thénardier, qui voyait le salut et la vie s'approcher, se pencha au bord du mur. La première lueur du jour blanchissait son front, inondé de sueur. Ses pommettes livides, son nez effilé et sauvage, sa barbe grise tout hérissée. Et Gavroche le reconnut. « Tiens, dit-il, c'est mon père !»« Oh, cela n'empêche pas !» Et prenant la corde dans ses dents, il commença résolument l'escalade. Il parvint au haut de la masure, enfourcha le vieux mur comme un cheval et noua solidement la corde à la traverse supérieure de la fenêtre. Un moment après, Thénardier était dans la rue. Dès qu'il eut touché le pavé, dès qu'il se sentit hors de danger, il ne fut plus ni fatigué, ni transi, ni tremblant. Les choses terribles dont il sortait s'évanouirent comme une fumée. Toute cette étrange et féroce intelligence se réveilla et se trouva debout et libre, prête à marcher devant elle. Voici quel fut le premier mot de cet homme. « Maintenant, qui allons-nous manger ?» Il est inutile d'expliquer le sens de ce mot affreusement transparent qui signifie tout à la fois « tuer, assassiner et dévaliser ». Manger, sans ce vrai, dévorer. « Rencognons-nous bien, dit Brujon. Finissons en trois mots et nous nous séparerons tout de suite. Il y avait une affaire qui avait l'air bonne rue Plumet, une rue déserte, une maison isolée, une vieille grille pourrie sur un jardin, des femmes seules. « Eh bien, pourquoi pas ?» demanda Thénardier. « Ta fée, Éponine, a été voir la chose, » répondit Babet. « Et elle a apporté un biscuit à Magnon, » ajouta Gueulemer. « Rien à maquiller là. »« La fée n'est pas l'off, » fit Thénardier. « Pourtant, il faudra voir. »« Oui, oui, » dit Brujon, « il faudra voir. » Cependant, aucun de ces hommes n'avait plus l'air de voir Gavroche, qui, pendant ce colloque, s'était assis sur une des bornes de la palissade. Il attendit quelques instants, peut-être que son père se tourna vers lui, puis il remit ses souliers et dit « C'est fini, vous n'avez plus besoin de moi, les hommes. Vous voilà tiré d'affaire, je m'en vas, il faut que j'aille lever mes mômes. » Et il s'en alla. Les cinq hommes sortirent l'un après l'autre de la palissade. Quand Gavroche eut disparu au tournant de la rue des Ballets, Babet prit Thénardier à part. « As-tu regardé ce mion ?» lui demanda-t-il. « Quel mion ?»« Le mion qui a grimpé au mur et t'a porté la corde. »« Pas trop. »« Eh bien, je ne sais pas, mais il me semble que c'est ton fils. »« Bah, dit Thénardier, crois-tu ?» Et il s'en alla.